السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Donc on va commencer un nouveau dars sur l'explication de Nawaqid al-Islam. Nawaqid al-Islam, Cheikh Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. Et on va lire l'explication du Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, qui a fait Sharh Nawaqid al-Islam. Qui a dit fi al-dars al-awwal, première leçon. الدرس الأول في بيان مقدمتنا نافعة إن شاء الله قبل شروعي في شرح نواقض الإسلام. Premier درس, première leçon, c'est une explication, une petite introduction profitable إن شاء الله avant de commencer l'explication de نواقض الإسلام. الشيخ الذي شرح فضلان حفظه الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. Il a commencé par faire l'éloge d'Allah et dire que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur des univers. Ensuite, il a dit « Ossat wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi » et que la prière et le salut d'Allah et soit sur notre prophète et notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Ceci étant dit « Yiw annawaqidu jam'a naqidin ismu fa'ilin min naqadha ash-shay'a ila hallahu wa hadamahu afsadahu » Et que Nawaqid, c'est le pluriel de Naqid, annulatif en français. Ism fa'il, min naqad ash-shay. Yani, Naqid, c'est celui qui annule, du verbe naqada en arabe, qui signifie le fait de détacher une chose, de détruire et. De détruire. Et il dit ta'ala, wa la tanqudu al-imana ba'da tawkidha, wa qala ta'ala, wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan. Il a cité deux versets dans Sourate An-Nahl, dans lequel il dit, Azza wa Jal, wa la tanqudu al-imana ba'da tawkidha, ça veut dire ne violez pas vos serments après avoir solennellement prêté. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un serment, on ne doit pas le défaire et le détruire. Dans le verset, il a dit « Ou la takounou kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan » Ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solennellement ou solidement filé. C'est-à-dire que ça veut dire que ce verset-là a été révélé à propos d'une femme à Mecca qui prenait beaucoup de brandy et qui les rassemblait et qui les attachait solennellement. Il a dit que c'était une femme qui était faible d'esprit. Une fois qu'elle avait fini, elle passait toute la journée à faire ça, elle passait toute la journée à faire cela, et quand elle avait fini, elle détachait directement ce qu'elle avait fait. C'est ça qu'elle a dit à Zawiyal, « Ouna takounou kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankathan » Pareil, donc, c'est-à-dire qu'elle défait et elle détruit ce qu'elle a fait. Ensuite, le Cheikh l'a dit, « Hafidhahullah » والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا تعريف الإسلام. يعني الإسلام la définition de l'islam c'est le fait de se soumettre à Allah عز وجل avec l'unicité par l'unicité والانقياد له بالطاعة et de se rabaisser pour lui et de lui obéir et والبراءة من الشرك وأهله le fait de se désavouer du shirk de se désavouer du polythéisme et des polythéistes du polythéisme et de ses partisans. Il dit ça c'est la définition de l'islam. Comme il a cité le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab dans Usul al-Thalatha. Il a dit Aslama, ma'ana mustaslama. En arabe, il a dit Aslama, c'est la même chose que istaslama. Comme on dit en arabe, Ajaba, Wastajaba. C'est la même signification. C'est ce qu'il a dit Ibn Kathir. Pareil que Awqada, Wastawqada. Il a dit dans le verset, dans Sourate Baqarah, il a dit Azzawajal, Mathaluhum kamathalin istawqada nara. Ibn Kathir a dit c'est la même chose que Awqada. Il a dit la preuve, c'est la parole des Arabes. Da'in da'a hal man yujibu ila nida, falam yastajibhu inda dalika mujibu. Il a dit da'in da'a hal man yujibu. Après, il a dit falam yastajibhu. Il a dit yujibu wa stajibu, c'est pareil. Donc, ajaba wa stajaba, wa uqada wa stawqada, wa aslama wa staslama, c'est la même chose. Il a dit wa huwa l'islamu lillahi, c'est le fait de se soumettre à Allah Azza wa Jal, Jalla wa Ala, bitawhidihi wa l'ikhlas. Le fait de se mettre en lui en pratiquant le monothéisme et en étant sincère et lui voit un culte exclusif à lui seul sans aucun autre associé. Celui qui ne se soumet pas donc à Allah, il est orgueilleux. Et celui qui se soumet à Allah Azzawajal et à autre que lui, c'est un mushrik, c'est un polythéiste. أما من استسلم لله وحده فهو الموحد لهذا قال هو الاستسلام لله بالتوحيد. Par contre, celui qui se soumet à Allah Azza wa Jal seul, sans rien associer, lui c'est celui qui est monothéiste, muwahid, qui fait partie des gens du tawhid. C'est pour ça que le cheikh a dit هو الاستسلام لله بالتوحيد, c'est le fait de se soumettre à Allah Azza wa Jal avec le tawhid. والتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة بأن يجعل المعبود واحدا بدلا أن يكون المعبود آلهة متفرقة يكون إلها واحدا وهو الله كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم وهو هذا هو الإسلام وهو الدين القيم. Ensuite, il a dit « التوحيد هو إفراد الله بالعبادة ». Il a dit que le tawhid, c'est le fait de unifier Allah dans l'adoration, le fait qu'on rende le Seigneur qu'on adore et qu'on prenne comme divinité une seule divinité qui est Allah. Contrairement à ce que ce soit plusieurs divinités différentes. Donc ça doit être une seule et unique divinité et un seul et unique Seigneur. Il a dit « Wa huwa Allah » et c'est Allah Azzawajal. Comme il l'a dit dans le verset, il ne leur a été ordonné seulement que d'adorer une seule divinité, la ilaha illa huwa, une divinité digne d'être adorée en réalité et en droit, si ce n'est lui, subhanahu amma yashrikun. Pureté à lui et élevé soit-il au-dessus de ceux qui lui associent. Il a dit, وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. Il a dit aussi dans le verset, et il n'aura été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, et de accomplir la prière et de s'ordonner de la zakat. وذلك الدين القيم. Telle est la religion de droiture. Il a dit وهو الإسلام. Ceci est l'islam. وهو الدين القيم. Et c'est la religion de droiture. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Et que le jugement n'appartient qu'à Allah. وما أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. Il a ordonné de n'adorer que lui. ذلك الدين القيم. Telle est la religion de la droiture. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Malgré cela, la plupart des gens ne sont pas au courant et ne savent pas. هذا هو الإسلام. Ceci est la religion de l'islam. وقوله الانقياد لهم بالطاعة يعني أنه مع التوحيد تنقاد لأوامر الله جل وعلا فتفعلها وتترك ما نهى الله عنه وتجتنبه والطاعة تشمل فعل المأمورات وترك المنهيات فلا يكفي اعتقاد أو اعتقاد الوحدانية بدون العمل. وقوله الانقياد لهم بالطاعة le fait de se mettre à lui par l'obéissance, il a dit, ça signifie qu'avec l'unicité, tu dois te soumettre aux ordres d'Allah, Azza wa Jal, et les mettre en application, et délaisser ce qu'il a interdit et l'éviter. Il a dit, l'obéissance, ça englobe le fait d'accomplir ce qui a été ordonné, et de délaisser ce qui a été interdit. Ça ne suffit pas de croire en l'unicité d'Allah, sans action, sans mettre en application ce qui a été ordonné. Il dit « وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ فَلَكْفِي أَنَّ الْإِنسَانَ لَا يَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ فَلَابُدَّ يَتَبَرَّى مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ وَيَعْتَقِدَ بُطْلَانَهُ وَكُفْرَ الْمُشْرِكِينَ وَأَنْ يُبْغِضَهُمْ وَيُعَادِيهِمْ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَيَجِبَ عَلَيْكَ أَنْ تُعَادِي أَعْدَاءَ اللَّهِ وَأَنْ تُحِبَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَلَا تُحِبُّ فتحب ما يحب الله ومن يحبه الله وتبغض ما يبغضه الله ومن يبغضه الله هذا معنى قوله والبراءة من الشرك وأهله كما تبرأ إبراهيم عليه السلام والذين معه من المشركين كما قال تعالى ولكان لكم فيهم قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله تبرأوا منهم من معبوداتهم. Il a dit de même que de se désavouer du shirk et de ses partisans. Ça ne suffit pas que la personne dise qu'elle adore Allah Azza wa Jal seulement. Il faut absolument qu'elle se désavoue du shirk et de ses partisans. Et qu'elle ait la conviction de la fausseté, de la nullité de leur adoration et de leur mécréance. et qu'elle déteste les mécréants et qu'elle les prenne comme ennemis pour la cause d'Allah, Azzawajal. Donc c'est obligatoire pour la personne de prendre comme ennemis les ennemis d'Allah et de prendre comme alliés les alliés d'Allah, Azzawajal. Donc tu dois aimer les personnes que Allah il aime et ceux qui l'aiment, et détester les personnes que Allah il déteste et ceux qu'il déteste, Jalla. Il dit ceci est la signification de sa parole, le bara'at min shirki wa ahli, le désaveu du shirk et de ses partisans. Comme Ibrahim alayhi salam s'est désavoué et ceux qui étaient avec lui des mouchikines. Comme Allah dit dans le verset, quand kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wa alladhina ma'ahu. Il y a certes pour vous un bon exemple pour Ibrahim et ceux qui étaient avec lui lorsqu'ils ont dit à leur peuple, nous sommes désavoués de vous et de ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Et le cheikh a dit, Hafidhahullah, qu'ils sont désavoués de eux et de ceux qu'ils adoraient. Il a dit aussi dans le verset, Kafarna bikum wa bada bayna baynakum adawatu wal baghdahu abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Il a dit, nous mécroyons en vous et l'animosité et la haine entre nous et vous a débuté à tout jamais jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Dans le verset, il a dit aussi, Qala ta'ala, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Et tu ne verras jamais un peuple parmi ceux qui croient en Allah et au jour du jugement dernier qui prennent comme alliés ceux qui sont en contradiction avec Allah et son messager, même s'ils sont les plus proches parmi leurs parents, leurs pères, leurs fils, leurs frères et leurs tribus. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Verset الله عليه عز وجل Ô vous les croyants, ne prenez pas comme alliés vos parents et vos frères, si jamais ils préfèrent la mécréance à la foi. Et ceux qui les prennent comme alliés parmi vous, ceux-ci sont les injustes. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. Le verset il a dit aussi Ô vous les croyants, ne prenez pas comme alliés mes ennemis et vos ennemis. وهذا هو التوحيد الذي أمر الله عز وجل به بموالاة أهله وأمر بالبراءة من الشرك وأهله لأنه يناقض التوحيد. Et ceci est le tawhid, l'unicité que Allah عز وجل a ordonné et dont il a ordonné de prendre comme alliés les partisans et qu'il a interdit de prendre comme alliés ceux qui le contredisent et de se désavouer et de se désavouer du shirk et de ses partisans. Pourquoi? Parce que ça annule le tawhid et ça le contredit. L'islam lahu nawaqid faqad yadkhul al-insanu fi al-islam aw faqad yadkhul al-insanu islama lakin yartakibu ashya'a tukhrijuhu min al-islam. وهو يدري أو لا يدري فيجب على الإنسان معرفة هذه النواقض. Et que l'islam il a des annulatifs et c'est possible que la personne rentre dans l'islam et qu'ensuite elle fasse des choses qui le font sortir de l'islam, qu'il le sache ou pas, qu'il soit au courant ou pas. Ainsi c'est obligatoire pour la personne d'être au courant et de connaître ces annulatifs là. يهدى إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه من الشرك مع أنه هو الذي كسر الأصنام وأوذي في الله ما هذا لم يأمن على نفسه وقال اجنبني وبني أن أعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. لما رأى من كثرة الشرك وكثرة المفتونين خشيا أو لما رأى كثرة الشرك وكثرة المفتونين خشيا على نفسه. والإنسان بشر والذين وقعوا في الشرك بشر والإنسان لا يزكي نفسه ولا يأمن على دينه بل عليه الخوف على دينه أكثر مما يخاف على نفسه وعلى ماله وعلى حرمه. وجنبني وبني أن أعمل الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. Il a dit que Ibrahim عليه السلام il a eu peur pour lui-même du shirk malgré le fait que c'est lui qui a brisé les idoles et qu'il a été maltraité pour la cause d'Allah عز وجل, mais malgré ça il n'a pas été en sûreté à propos de sa propre personne. Il ne s'est pas senti à l'abri et il a dit il a demandé à Allah Azzawajal qu'il écarte lui et ses enfants de l'adoration des idoles. Il a dit Rabbi innahun adlan kathira minan nas, parce qu'elles ont égaré beaucoup parmi les gens. Il a dit lorsqu'il a vu qu'il y avait beaucoup de polythéisme et que beaucoup de personnes ont été mises à l'épreuve à cause de ça, il a eu peur pour lui. Et la personne, n'importe qui, l'homme est un humain, et même que ceux qui sont tombés dans le shirk et dans le polythéisme sont des humains. Donc la personne ne doit pas se sentir à l'abri et ne doit pas faire son éloge de sa propre personne et penser qu'elle est à l'abri, mais plutôt elle doit craindre pour sa religion plus qu'elle craint pour sa personne et pour son argent et pour son honneur. C'est-à-dire هذا الموضوع نواقض الإسلام قد اهتم به العلماء قديما وحديثا وهو جدير بالاهتمام فألفوا فيه مؤلفات مستقلة وجعلوا له بابا في كتب الفقه يسمونه باب حكم المرتد وذكروا في هذا الباب نواقض الإسلام وحكم من وقع في شيء منها ذكروا أنواعا كثيرة من نواقض أو من النواقض التي لا يخطر أو لا تخطر على بال الإنسان لكنهم رحمهم الله أحصوها وبينوها وبينوا حكم من وقع في شيء منها. Il a dit que ce sujet-là, qui est les annuatifs de l'islam, les savants y ont donné une grande importance, que ce soit dans le passé ou maintenant. Et il a dit que c'est un sujet qui mérite qu'on lui donne une grande importance, et que les savants y ont édité plusieurs livres. Et de même qu'ils ont cité un chapitre dans les livres de fiqh qu'ils appellent Bab Hukm al-Murtad, le chapitre sur le jugement de celui qui apostasie. Et dans ce chapitre-là, ils ont cité les annuatifs de l'islam et le jugement de celui qui fait un parmi les annuatifs de l'islam. Et ils ont cité plusieurs types de ces annuatifs-là que peut-être que la personne ne peut pas imaginer. Les savants les ont énumérés et dénumérés et ils ont expliqué leur cas et le cas de celui qui fait un de ces annuatifs-là. Il a dit « Yann al-Din huwa awwalu darurat » Pourquoi? Parce que la religion, c'est la première parmi les cinq choses essentielles que la religion est venue pour préserver. Savants, ils disent qu'il y a cinq choses, qui sont cinq points que la religion préserve. Ce sont les cinq choses nécessaires et les nécessités, les choses les plus importantes que la religion préserve. Et la première, c'est la religion. التي لأن الدين هو أول ضرورات الخمس التي تجب المحافظة عليها فيحافظ على الدين يجب أن يطبق أو يطبق الحكم على المرتدين التي تجب المحافظة عليها فيحافظ على الدين ويجب أن يطبق الحكم على المرتدين الخارجين عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوا وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة والشاهد قوله التارك لدينه المفارق للجماعة. Il a dit que parce que la religion c'est la première parmi les cinq choses, les cinq points que la religion préserve, darurat al-khams, qui convient d'être préservé, et ainsi la personne préserve sa religion. Et qu'il est obligatoire aussi de mettre en application le jugement sur ceux qui apostasient, qui sortent de l'islam. Et la preuve, c'est la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, celui qui change sa religion, tuez-le. Il a dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, que le sang d'une personne musulmane n'est pas permis, si ce n'est dans trois cas. Premier cas, un nafs bin nafs. Quand une personne tue une âme, on prend son âme aussi en appliquant la loi du talion. Deuxième cas, Thayyib Zani, personne qui s'est mariée et qui a consommé le mariage et qui a fait zina, qui a fait la fornication, elle doit être lapidée jusqu'à la mort. Et troisième cas, celui qui délaisse sa religion et qui sort du groupe des musulmans. Et celui-là, c'est l'apostat, celui qui fait une apostasie, celui qui apostasie. Et il y a le deuxième point. Parmi les darurat, les cinq choses les plus importantes et extrêmement nécessaires que la religion préserve, النفس, c'est l'âme. لهذا شرع الله القصاص. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. إلى قوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Il a dit que la deuxième chose c'est l'âme, النفس. C'est pour cela qu'Allah a légiféré à Azzawajal la Qisas, qui est la loi du talion. Il a dit ça dans Sourate Baqara. Il a dit « Ya ayyuhal l'in amanu, kutiba alaykum al-Qisasu, kama kutiba يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. Il a dit que vous a été prescrit la loi du talion dans par rapport au meurtre, par rapport au meurtre. Jusqu'à ce qu'il a dit à la fin du verset, voilà comme fait que ça, c'est Hayatun, vous avez une vie. Et ça veut dire que Hayatun, c'est-à-dire une vie immense et une préservation de votre vie dans cette loi-là, Ya Uli Al-Bab, ou vous qui êtes doué d'intelligence, de sorte à ce que vous soyez pieux. Il a dit, wa amra bi hifd al-anfus al-mu'mina, li hada shara al-qisas. Il a dit, c'est pour ça qu'il a légiféré la loi du talion et il a ordonné de préserver l'âme des croyants. Pourquoi ? Pour la préserver de la violation. Voilà comme fait le kisos hayatun, c'est-à-dire que vous avez une vie dans la loi du talion, une vie qui est immense. Il a dit, il y a un kisos ça. وإن كان قتلا للجاني فإنه يسبب الحياة للناس لأنه يمنع القتل فيأمن الناس على دمائهم فإذا علم القاتل أو علم من يريد القتل أنه سيقتل فإنه يكف عن القتل فينجي نفسه وينجي من هم بقتله ولذلك وبذلك تحقن الدماء وتحفظ إلى دي parce que la loi italienne même si c'est un meurtre, ou sinon c'est un meurtre d'âme pour celui qui a fait le crime, malgré ça, c'est une cause qui fait que les gens restent en vie, parce que ça empêche le meurtre, ça empêche les gens de faire du meurtre, et ainsi les gens sont en sécurité par rapport à leur sang. Et lorsque la personne qui tue, elle sait, ou celle qui veut tuer, elle sait que si jamais elle tue, elle sera tuée, elle s'arrêtera et elle ne tuera pas. Ainsi, elle préservera sa propre personne et sa propre âme et elle préservera aussi celui qui a l'intention de la tuer à elle ou à lui. Et c'est ainsi que le sang il sera préservé, le sang des gens, et il sera évité d'être transgressé. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième point. الله عز وجل أو جل وعلا خلق هذا الإنسان وميزه عن غيره من المخلوقات لأنه أعطاه العقل ليميز به بين النافع والضار والطيب والخبيث والكفر والإيمان وقال تعالى لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وقال ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Il a dit que le troisième point parmi ces cinq ضرورات c'est la raison. الله عز وجل il a créé l'homme et il l'a favorisé et il l'a différencié d'autres parmi les créatures du fait qu'il lui a donné la raison, l'aql, pour qu'il différencie entre ce qui est profitable et ce qui est nuisible, et ce qui est pur et ce qui est impur, et ce qui est en rapport avec la mécréance et ce qui est la foi. Comme il est dans le verset, « Wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil birri wal bahr » Certes, nous avons anobli et honorer les enfants d'Adam, et nous avons transporté sur terre et sur mer. Dans le verset, il a dit, « Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim » Certes, nous avons créé l'homme de la meilleure des façons. Il a dit que Allah Azza wa Jal, il a dit, « Fallah Jalla wa Ala mayyaza al-insana bi hadha al-aqla, fa idha jana al-insanu ala aqlihi bi an ta'ata shay'an min al-muskirati wal-mukhadirati, fa inna Allah awjaba iqamat al-haddi alayhi bil-jaldi » حفظا للعقول لأن لا يتلاعب بها لأن لا يتلاعب بها. Il a dit qu'Allah Azza wa Jal il a différencié l'homme par rapport à cet aql là. Et ainsi, lorsque l'homme il fait un crime par rapport à son aql, à sa raison, en consommant des choses enivrantes comme l'alcool ou des stupéfiants comme la drogue ou autre, dans ce cas-là, on doit le punir en appliquant la peine légale, en le fouettant pour qu'il ne joue pas avec sa raison et pour qu'elle soit préservée. Il a dit, الذي تقوم به مصالحهم، والمال عصب الحياة كما يقولون. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فمن اعتدى على أموال الناس بالسرقة فإنها تقطع يده حتى يأمن الناس على أموالهم. قال تعالى: والسرق والسرقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Il a dit que la quatrième parmi les choses essentielles qui est préservée par la religion est l'argent et les biens des gens. Et parce que les gens ont forcément besoin d'argent pour leurs bienfaits. Et tout ce dont ils ont besoin dans leur vie. Il a dit que l'argent, c'est comme le cerveau de la vie. C'est-à-dire, c'est la base de la vie. C'est pour ça qu'Allah a dit à Zawiyal, voilà tout ce fait à moi. Il a dit: ne confiez pas aux incapables vos biens et aux faibles d'esprit vos biens dont Allah a fait de votre subsistance. Il a dit dans l'autre verset: والسارق والسارقة فقطع أيديهما. إلى فمن اعتدى على أموال الناس بالسرقة فإنها تقطع يده حتى يأمن الناس على أموالهم. Et celui qui vole, ainsi on lui coupera sa main droite, de sorte à ce que les gens soient en sécurité par rapport à leurs biens et leur argent. Comme c'est dans le verset, il a dit: le voleur et la voleuse, coupez-leur tous deux leur main droite par récompense de ce qu'ils ont fait et en guise de punition venant d'Allah. Allah Aziz Hakim. Et Allah est le puissant et le sage. Ensuite, il a dit: فَإِذَا قُطِعَتْ يَدٌ وَاحِدَةٌ حُفِظَتْ أَمْوَالُ النَّاسِ وَلِذَلِكَ تَجِدُونَ الْبِلَادَ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا الْحُدُودُ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً عَلَى دِينِهَا وَأَنفُسِهَا وَأَمْوَالِهَا وَأَعْرَاضِهَا، بَيْنَمَا الْبِلَادُ الَّتِي لَا تُقَامُ فِيهَا الْحُدُودُ تَسُودُهَا الْفَوْضَى وَالِاضْطِرَابُ وَالْخَوْفُ وَالْبَهِيمِيَّةُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ. Ainsi, si on coupe une main, bien des gens seront préservés et l'argent des gens sera préservé. C'est pour ça que les savants disent aussi que lorsque la main elle est coupée, elle doit être attachée dans la mosquée le jour du vendredi pour que les gens la voient et que ça les empêche de voler. Et il a dit aussi: c'est pour cela que vous verrez que les pays où les peines légales sont mises en application, elles sont en sécurité. Par rapport à leur religion, à leur âme et à leur argent et leur honneur. Tandis que les pays où les peines légales ne sont pas mises en application, elles sont guidées par le désordre et la peur et le fait de vivre comme des animaux. Il a dit: والخامس من الضرورات الخمس حفظ الأنصاب والأعراض وذلك بتحريم الزنا وإقامة الحد على الزنا أو الزاني بأن يجلد 100 إذا كان بكرا ويرجم بالحيارة حتى يموت إذا كان ثيبا لأجل حفظ الأنساب من الاختلاط. Il a dit que la cinquième chose parmi les choses essentielles qui sont préservées par la religion est la préservation des liens et des honneurs, des liens de parenté et de l'honneur des gens. Et ceci par l'interdiction de la fornication et la peine légale pour celui qui la pratique. Qu'il soit fouetté de son coup lorsqu'il est célibataire, qu'il n'a pas été encore marié, et qu'il soit lapidé par la pierre jusqu'à ce qu'il meure lorsqu'il a déjà été marié et qu'il a consommé le mariage. Et ceci pourquoi ? Pour préserver les liens de parenté et d'être mélangé. مثل المحرمية والميراث وغير ذلك من الأحكام الشرعية المترتبة على النسب وتعارف الناس فيما بينهم. هذا يعرف أن هذا أبوه وهذا أخوه وهذا عمه وهذا خاله، فيحصل التواصل بين الناس فهذا هو حفظ الأنساب. Ensuite, il a dit que si jamais la peine légale elle est appliquée sur ceux qui font la fornication, les liens de parenté seront préservés. Mais si jamais elle est délaissée, la peine de la fornication est délaissée, les liens de parenté seront mélangés. On ne saura plus qui est qui et qui est le fils de qui, parce que les liens seront mélangés. Et pourquoi ? Parce que cette femme-là qui pratique la fornication, elle peut être touchée par plusieurs hommes. On ne peut pas alors savoir de qui est-ce qu'elle est tombée enceinte. Et les liens de parenté et de sang seront alors négligés. Alors que ces liens-là sont un élément essentiel qu'Allah a mis à Zawjal pour différencier entre les gens. Et pour que les gens se reconnaissent et qu'ils sachent de qui est-ce qu'ils viennent. Et de même que ces liens-là, beaucoup de jugements dans la religion découlent de ces liens-là, comme le fait que on ne puisse pas se marier entre les gens de la même famille, de même que les jugements en rapport avec l'héritage et le mirath et d'autres parmi les jugements légiférés dans l'islam qui sont liés avec les liens de parenté. De même que la connaissance des gens entre eux et qu'ils sachent qu'un tel est son père, un tel est son frère, un tel est son oncle, un tel est son oncle paternel, un tel son oncle maternel, ainsi de suite. Et de telle sorte, les liens de parenté sont liés et les liens de sang aussi sont préservés. Il a dit « وَأَمَّا حِفْدُ الْأَعْرَضُ فَهُوَ يَحْصُلْ بِيَقَامَةِ حَدِّ الْكَذْفِ فهو يحصل بإقامة حد القذف الذي يقذف الناس بالفاحشة فيقول فلان زان فلان مطي يجلد بعد أن يطالب فإذا قذف أحدا بالفاحشة بأن يقيم 4 شهود يشهدون على ما قال وإلا فإنه يجلد وتسقط عدالته ويصبح فاسقا كما قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Il a dit, pour ceux qui de l'honneur, il est préservé par la peine légale qui est réservée à ceux qui accusent les gens de fornication. Celui qui accuse des gens de fornication, il dit qu'un tel est un fornicateur ou un tel est un homosexuel, il doit être fouetté après qu'on lui demande de ramener la preuve et qu'il y ait 4 personnes qui attestent d'avoir assisté et vu la fornication qui est pratiquée. Et si jamais il ne ramène pas ces 4 personnes-là et cette preuve-là, il sera fouetté et son intégralité et le fait qu'il soit quelqu'un de confiance ne sera plus compté et il sera parmi les pervers. Il sera compté parmi les pervers. Comme c'est dans le verset où Allah dit à Azzawajal, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً. Ceux qui accusent les chastes de la fornication et ensuite ne ramènent pas 4 parmi les témoins, fouettez-les alors de 80 coups et n'acceptez pas leur attestation après cela. Et ceux-là sont vraiment les pervers, sauf ceux qui sont repentis après cela et ont amélioré leur situation. Certes, Allah est pardonneur et très miséricordieux. Il a dit « فهذه هي الضرورات الخمس التي أمر الله بحفظها ورتب العقوبات عليها وأولها حفظ الدين وحفظ الدين يكون بتجنب أو باجتناب بتجنب النواقض التي تنقض هذا الدين وتحصل بها الردة ويكون أيضا بقتل المرتد. Il a dit que tel est les 5 points essentiels que Allah Azzawajal a ordonné de préserver et qu'il a placé judicieusement des peines légales pour ceux qui les violent. Et le premier est le fait de préserver la religion. Et le fait de préserver la religion, ceci se fait en évitant et s'écartant des annuatifs de l'islam qui annulent l'islam et la religion et qui sont la cause de l'apostasie, et aussi en appliquant la peine de apostasie qui est le fait de le tuer. Quand une personne fait un apostat et apostasie de l'islam, on doit la tuer comme il a dit le prophète sallam et l'exécuter. Et comme l'a dit Cheikh Chenkiti, il y a un seul verset dans Sourate Al-A'raf qui réunit ces cinq choses-là, les cinq choses essentielles que la religion préserve. Dans le verset, il dit « Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha ma batan wal-ithma wal-maghya bighayri al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil alaykum sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. » Il a dit « Certes, mon Seigneur a interdit les turpitudes, que ce soit apparent ou caché, et de même que le péché. » Et ça m'a dit que le péché, là, c'est l'alcool. L'ithm, c'est un des noms de l'alcool. Et l'agression, son droit, est d'associer à Allah ce dont il n'a pas descendu ou ce dont il n'a pas fait descendre aucune preuve. Il a dit que dans ce verset-là, il y a cinq darurat. Premièrement, les turpitudes. Ça, c'est tout ce qui est les grands péchés comme la fornication et autres. Mais ici, c'est pour préserver les liens de parenté et l'honneur, apparent ou caché, de même que le péché, le ithm, qui est, comme on dit, l'alcool, un des noms de l'alcool, et c'est-à-dire pour préserver la raison, et l'agression sans droit, c'est-à-dire préserver l'âme et l'argent, préserver l'âme et l'argent, et que vous associez à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, ça c'est-à-dire préserver la religion. Et comme l'a dit Ibn al-Qayyim, dans le verset, il a commencé du plus petit au plus grand, du moins grave au plus grave. Il a commencé par les péchés, les turpitudes, ensuite l'agression, le péché, ensuite le fait d'associer à Allah ce dont il n'a pas fait descendre de preuves, et la dernière chose qui est la plus grave, c'est de dire sur Allah ce qu'on ne sait pas. Alors, on va s'arrêter ici aujourd'hui pour ce cours. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.